Bien sûr, il fait trop froid pour que tu penses à moi. Tu as sans doute changé de bague après tes doigts. Quelque part on t'attend et tu dis ça ne fait rien. Mais moi je pense à toi et ça me fait du bien. Les filles sont très jolies partout où j'ai été. Oh mais j'ai troqué mes billes contre des pipettes. Quelque part on murmure ce nom qui est le tien. Moi je pense à toi et ça me fait du bien. Je prends la vie comme un jeu et j'apprends les échecs. Et je mise tout ce que je peux au hasard des coups secs. Quelque part tu te penches et descends pas trop loin. Moi je pense à toi et ça me fait du bien. Les princesses de la nuit, les anges de l'amour libre vont apporter de l'encre et juste de quoi vivre. Quelque part on te passe un film américain. Et moi je pense à toi et ça me fait du bien. J'ai dû venir trop tôt, mais tu sais comme je change. Chacun pour soi, c'est toi qui faisais le mélange. Quelque part tu te lèves, tu vas vers la salle de bain. Mais moi je pense à toi. Ça me fait du bien.